un chef projet avec ce suppositoire. Est-ce que justifier peut pardonner la haine? Est-ce que pleurer fait disparaître la peine? Est-ce que aimer peut pardonner la haine? Est-ce que le fait d'aimer peut faire disparaître la peine? En séjour de pluie, le renouveau se fait attendre en séjour bien gris. Ne me plaît pas d'être tendre, tendre avec les cons, avec des ravageurs, ravageurs de vie, d'espoir, de joie et d'amour, tout ça leur fait de la peine. Pas envie d'être tendre avec ces cons chasseurs qui ont du pastis dans les veines. C'est baba cool, papa cool, ces homophobes racistes, un degré nana nationaliste, gouvernance spirituelle, à moitié darwiniste, stabilisement fêlé de la tronche, pur, sain, avec du pinard dans les bronches. Est-ce que justifier peut pardonner la haine? Est-ce que pleurer fait disparaître la peine? Est-ce que aimer peut pardonner la haine? Est-ce que le fait d'aimer peut faire disparaître la peine? Une tendresse de haine pour un village qu'on affirme d'ouverture, pour un village de la firme des raclures, pour ces gens perdus une fois sortis de leur vallée, qui sont appropriés, exemptés les terres à leur nom. Pour ceux qui se sentent bien qu'à la terrasse des bars, qu'on quitte un pour aller boire dans un autre. Pour ces amoureux de la nature qui vont 4-4-4 diesel dans la forêt pour aller shooter le sanglier. Pour ces chauvins anti-vie, anti-espoir et anti-bonheur. Pour ces débiles qu'on les cornes du diable à la place du cœur. On a la liberté d'expression, le droit de ne pas être d'accord. Je te chie dessus, toi et ta liberté. Mais tout sauf une espèce d'enfoiré. Enflure, petite pédale. Tu voulais me faucher mon lance-roquette. Mais je devrais te buter tout de suite, enculé de ta race. On a la liberté d'expression. On a la liberté d'expression. De vivre, tu sais, je ne suis pas le bienvenu à toi. Parce que j'aime la vie, j'aime l'amour, j'aime mes amis, j'aime la nature, j'aime bouger, j'aime me marrer, j'aime les arbres, les oiseaux, les enfants. J'essaye de respecter le choix des gens. Je veux me fendre la gueule après un bon pétard, me prélasser au soleil et juste kiffer la life. Seulement aimer la vie, tout ça ici est interdit. C'est la monarchie, monarchie, monarchie, monarchie, monarchie. Je partirai pas d'ici avant d'avoir lancé ma bombe armement du turbo jet. Mettez-moi au bûcher, j'ai fumé un pet. Chargement du missile, visée verrouillée en direction des débiles. Recevez ma rafale de haine et mes balles de peine. Pour une même rengaine de la vie je dégaine. Pour briser la routine et la monotonie de vos personnes. Le manque de bon sens et votre fierté d'être con. Et ouais t'es fier d'être con, fier. Parce qu'un fusil n'a poussé à la place de la bite. Parce que ta cervelle elle est bien trop petite. Pour une simple remise en question, pour une simple réflexion. Maintenant lâche l'affaire, mission accomplie, j'ai plus qu'à me taire. Mon point de vue n'est qu'une idée plus ou moins bête, mais c'est du vécu, toi. Je te quitte sur un mot d'amour amicalement. Va te faire mettre, va te faire mettre, va te faire mettre, va te faire mettre, va te faire mettre, va te faire mettre, va te faire mettre, va te faire mettre, va te faire mettre.